Chapitre 21. Installation de Françoise et Lucie. Maman, voulez-vous nous permettre d'aller avec Elisa à la petite maison blanche pour préparer les lits et les provisions de la pauvre Lucie et de sa maman? Nous la verrons arriver et nous jouirons de sa surprise. Oui, chers enfants, allez achever votre bonne œuvre et arrangez tout pour le mieux. Vous achèterez au village ce qui manquera pour leur petit repas du soir. Moi, je reste ici pour écrire des lettres et préparer vos leçons pour demain. Vous me raconterez la joie de la pauvre femme et de sa fille. Maman, pouvons-nous emporter une de nos chemises, un jupon, une robe, des bas, des souliers et un mouchoir pour la pauvre Lucie qui est en haillons? Certainement, ma petite Madeleine. Tu as là une bonne et charitable pensée. Emportez aussi du linge pour la pauvre mère et ma vieille robe de chambre, en attendant que Madame de Rosbourg achète ce qui est nécessaire pour les habiller. Merci, ma chère maman, que vous êtes bonne. Madame de Fleurville embrassa tendrement Madeleine, qui courut annoncer cette heureuse nouvelle à ses amis. Elisa fit un petit paquet des effets qu'elles emportaient, et elles se remirent gaiement en route. En arrivant à la Maison Blanche, elles y trouvèrent Madame de Rosbourg, qui faisait décharger la charrette. Les enfants aidèrent Elisa à faire les lits et à placer les objets qu'on avait apportés. « Il nous faut du bois pour faire cuire la soupe, et du sel pour mettre dedans, et des cuillères pour la manger, et des couteaux pour couper le pain, et des terrines et des plats pour mettre le beurre et les œufs. Ma chère Elisa, voulez-vous aller au village acheter ce qui est nécessaire ?»« Oui, madame, avec grand plaisir. Attendez-moi, enfant, je serai revenue dans 5 minutes. » Les enfants s'occupèrent à mettre le couvert, ce qui ne leur prit pas beaucoup de temps. Elles placèrent la table au milieu de la cuisine, les 2 chaises en face l'une de l'autre, les assiettes, les verres et la bouteille de vin sur la table, ainsi que le pain. Elisa revint en courant. Elle apportait ce qui manquait, et de plus, du sucre pour le vin chaud qu'elle voulait faire boire à Françoise. « Voici encore une cruche pour mettre de l'eau, » ajouta-t-elle. « Nous n'y avions pas pensé. » Après une attente de quelques minutes, pendant lesquelles Elisa eut le temps d'allumer le feu et de faire une bonne soupe et une omelette, on vit enfin arriver la charrette dans laquelle était étendue la pauvre Françoise, la tête appuyée sur les genoux de la petite Lucie. Quand la voiture s'arrêta devant la porte, Madame de Rosbourg, aidée d'Elisa, en fit descendre Françoise plus faible, plus pâle encore que quelques heures auparavant. La pauvre femme n'eut pas la force de remercier Madame de Rosbourg, mais son regard attendri indiquait assez la reconnaissance dont son cœur débordait. Lucie était si inquiète de cette grande faiblesse qu'elle ne songea pas à regarder la maison ni la chambre où on la faisait entrer. Mais quand, rassurée sur sa mère, elle la vit couverte de linge blanc, couchée dans un bon lit avec des draps, des couvertures, son visage, si inquiet jusqu'alors, devint radieux. Sa tête penchée vers sa mère se redressa. Ses yeux fixés sur ce pâle visage changèrent de direction. Elle regarda autour d'elle. La douleur et l'inquiétude firent place au bonheur. Ses joues se colorèrent, des larmes de joie coulèrent sur sa figure. L'émotion lui coupa la parole. Elle ne put que se jeter à genoux et saisir la main de Madame de Rosbourg, qu'elle tint appuyée sur ses lèvres en éclatant en sanglots. « Remets-toi, mon enfant, » lui dit Madame de Rosbourg avec bonté en la relevant. « Ce n'est pas à moi que tu dois adresser de tels remerciements, mais au bon Dieu, qui m'a permis de te rencontrer et de soulager votre misère. Calme-toi pour ne pas agiter ta mère. Avec du repos et une bonne nourriture, elle se remettra promptement. Voici Elisa qui lui apporte une soupe et un verre de vin chaud sucré. Et toi, ma pauvre enfant, qui est presque aussi exténuée que ta mère, mets-toi à table et mange le petit repas que t'a préparé Elisa. » Les enfants entraînèrent Lucie dans la pièce à côté et lui servirent son dîner, pendant qu'Elisa et Madame de Rosbourg faisaient manger Françoise. Camille lui servit de la soupe, Madeleine un morceau de bœuf, Sophie de l'omelette et Marguerite lui versait à boire. Lucie ne se lassait pas de regarder, d'admirer, de remercier. Elle appelait les enfants « mes chères bienfaitrices », ce qui amusa beaucoup Marguerite. Quand Lucie eut fini de manger, les 4 petites se précipitèrent pour l'habiller. Elles faillirent la mettre en pièces tant elles se dépêchaient de la débarrasser de ses haillons et de la revêtir des effets qu'elles avaient apportés. Lucie ne put s'empêcher de pousser quelques petits cris, tandis que l'une lui arrachait des cheveux en enlevant son bonnet sale, que l'autre lui enfonçait une épingle dans le dos, que la troisième la pinçait en lui passant ses manches, et que la quatrième l'étranglait en lui nouant son bonnet blanc. Elle finit pourtant par se trouver admirablement habillée, et elle courut se faire voir à sa maman qui, joignant les mains, regardait Lucie avec admiration. Elle dit enfin d'une voix un peu plus forte « Chère demoiselle, chère dame, que le bon Dieu vous bénisse et vous récompense, qu'il vous rende un jour le bien que vous me faites et le bonheur dont vous remplissez mon cœur. Ma pauvre Lucie approche encore, que je te regarde, que je te touche. Ah, si ton pauvre père pouvait te voir ainsi !» Elle retomba sur son oreiller, cacha sa tête dans ses mains et pleura. Madame de Rosbourg lui prit les mains avec affection et la consola de son mieux. « Tout ce que nous envoie le bon Dieu est pour notre bien, ma bonne Françoise. Voyez, si la méchante meunière n'avait pas chassé votre pauvre Lucie, mes petites ne l'auraient pas entendu pleurer, je ne l'aurais pas questionnée, je n'aurais pas connu votre misère. Il en est ainsi de tout. Dieu nous envoie le bonheur et permet les chagrins. Recevons-les de lui et soyons assurés que le tout est pour notre bien. » Les paroles de madame de Rosbourg calmèrent Françoise. Elle essuya ses larmes et se laissa aller au bonheur de se trouver dans une maison bien close, bien propre, dans un bon lit avec du linge blanc, et avec la certitude de ne plus avoir à redouter ni pour elle ni pour Lucie les angoisses de la faim, du froid et de toutes les misères dont madame de Rosbourg venait de la sortir. « Demain, ma bonne Françoise, dit madame de Rosbourg, j'irai à l'Aigle pour acheter les meubles, les vêtements et les autres objets nécessaires à votre ménage. Mes petites et moi, nous viendrons vous voir souvent. Si vous désirez quelque chose, faites-le-moi savoir. En attendant, voici 20 francs que je vous laisse pour vos provisions de bois, de chandelles, de viande, de pain, d'épicerie. Quand vous serez bien guéris, je vous donnerai de l'ouvrage. Ne vous inquiétez de rien. Mangez, dormez, prenez des forces et priez le bon Dieu avec moi qu'il nous rende un jour nos maris. » Madame de Rosbourg appela les enfants qui dirent adieu à Lucie en lui promettant de venir la voir le lendemain, et les ramena au château où elles trouvèrent madame de Fleurville un peu inquiète de leur absence prolongée et prête à partir pour aller les chercher, l'heure du dîner étant passée depuis longtemps. Les enfants racontèrent toute la joie de Lucie et de sa mère, leur reconnaissance, la bonté de madame de Rosbourg. Elles parlèrent avec volubilité toute la soirée. Elles recommencèrent avec Elisa quand elles allèrent se coucher. Elles parlaient encore en se mettant au lit. La nuit, elles rêvèrent de Lucie, et le lendemain, leur première pensée fut d'aller à la petite maison blanche. Quand madame de Fleurville leur proposa de les y mener, madame de Rosbourg était partie depuis longtemps pour acheter le mobilier promis la veille. Elles trouvèrent Françoise sensiblement mieux et levée. Lucie avait demandé à un petit voisin obligeant de lui faire un balai. Elle avait nettoyé non seulement les chambres, mais le devant de la maison. Les lits étaient bien proprement faits, le bois qu'elle avait acheté était rangé en tas dans la cave. Avec un de ses vieux haillons, elle avait essuyé la table, les chaises, les cheminées. Tout était propre. Françoise et Lucie se promenaient avec délice dans leur nouvelle demeure quand madame de Fleurville et les enfants arrivèrent. Elles apportaient quelques provisions pour le déjeuner. Lucie se mit en devoir de préparer le repas. Les enfants lui proposèrent de l'aider. « Merci, mes bonnes chères demoiselles. Je m'en tirerai bien toute seule. Il ne faut pas salir vos jolies mains blanches à faire le feu et à fondre le beurre. Mais saurais-tu faire une omelette, une soupe ? Oh, que oui, mademoiselle. J'ai fait des choses plus difficiles que cela quand nous avions de quoi. Pendant que maman travaillait, je faisais tout le ménage. » Madame de Fleurville et les enfants rentrèrent au château pour les leçons qui avaient été un peu négligées la veille. Madame de Rosbourg revint à midi. Elle demanda et obtint un dernier congé pour aider à placer et arranger le mobilier de la Maison Blanche. Elisa, qui était fort complaisante et fort adroite, fut encore mise en réquisition par madame de Rosbourg et les enfants, et l'on retourna après déjeuner chez Françoise, les enfants courant et sautant le long du chemin. Elles trouvèrent la mère et la fille folles de joie devant tous leurs trésors. Meubles, vaisselle, linge, vêtements, rien n'avait été oublié. Ce fut une longue occupation de tout mettre en place. On courut chercher le menuisier pour clouer des planches, des clous accrochés. On accrocha et l'on décrocha 10 fois les casseroles, les miroirs. Presque tous les meubles firent le tour des chambres avant de trouver la place où ils devaient rester. Chacune donnait son avis, criait, tirait, riait. Tout l'après-midi suffit à peine pour tout mettre en place. Jamais Lucie n'avait été si heureuse, son cœur débordait de joie. De temps à autre, elle se jetait à genoux et s'écriait « Mon Dieu, je vous remercie, mes chères dames, que je vous suis reconnaissante, mes bonnes petites demoiselles, merci, oh merci !» Les petites étaient aussi joyeuses que Lucie et Françoise. La vue de tant de bonheur leur était une excellente leçon de charité. Sophie se promettait de toujours être charitable, de donner aux pauvres tout l'argent de ses menus plaisirs. La journée se termina par un repas excellent que Madame de Fleurville avait fait apporter chez Françoise. Tous dînèrent ensemble sur la table neuve avec la vaisselle et le linge de Françoise. Elisa fut de la partie. Camille et Madeleine la placèrent entre elles et eurent soin de remplir son assiette tout le temps du dîner. On servit de la soupe, un gigot rôti, une fricassée de poulet, une salade et une tourte aux pêches. Lucie se léchait les doigts. Les enfants jouissaient de son bonheur que partageait Françoise. Après le dîner, Madame de Rosbourg et Madame de Fleurville retournèrent au château, laissant Elisa avec les enfants, qui avaient instamment demandé de rester pour aider Lucie à laver, à essuyer la vaisselle et à tout mettre en ordre. Quand tout fut propre et rangé, quand on eut soigneusement renfermé dans le buffet les restes du repas, Elisa et les enfants se retirèrent. Lucie aida sa mère à se coucher et se reposa elle-même des fatigues de cette heureuse journée.